Dis-moi tout, troisième niveau. Documents oraux. Centre blanc. Leçon 1. Activité 2. Un bon gâteau, c'est délicieux. Un bon gâteau, c'est délicieux. Il y en a pour un, il y en a pour deux. Des bons gâteaux, c'est encore mieux. Car il faut être deux. Un, deux. Un bon gâteau, c'est délicieux. Il y en a pour un, il y en a pour deux. Deux bons gâteaux, c'est encore mieux. Car il faut être deux. Un, deux. Un bon gâteau, c'est délicieux. Il y en a pour un, il y en a pour deux. Deux bons gâteaux, c'est encore mieux. Car il faut être deux. Un, deux. La la la la. Leçon 3. Activité 1. Les premiers signes de l'hiver. Berlingot et Clafoutis regardent par la fenêtre. Ils voient une grosse souffleuse qui nettoie la rue. Berlingot n'aime pas l'hiver. Mais pourquoi donc? Le soleil se couche trop tôt et il se lève trop tard. Et puis, le soleil est moins chaud qu'en été. En plus, il faut mettre beaucoup de vêtements chauds, une tuque, des bottes, des mitaines. Il fait froid. Je n'aime pas l'hiver. Clafoutis, elle, aime l'hiver. Savez-vous pourquoi? Je peux patiner et faire du ski de randonnée. C'est très bon pour être en forme. J'aime regarder la neige tomber. Et j'aime aussi pelleter la neige. Allez, Berlingot, chante avec moi. Vive l'hiver, vive l'hiver, vive le temps d'hiver. Leçon 3. Activité 2. De ma fenêtre. Les beaux flocons, comme un tourbillon de bonbons, tombent sur les toits des maisons. Tous ces cristaux, semblables à des oiseaux, volent très haut autour du drapeau. Cette pluie toute blanche pose des manches aux branches des arbres qui penchent. Leçon 5. Activité 1. C'est quelle saison? Dialogue numéro 1. Ah, qu'il fait chaud aujourd'hui. Papa, est-ce que je peux aller à la piscine? Non, pas tout de suite. Tu dois ranger ta chambre. Dialogue numéro 2. Tu viens avec moi? Pour faire quoi? Pour ramasser des feuilles. Je vais les apporter à l'école demain. Dialogue numéro 3. Tu viens avec moi? Où ça, Nancy? Je vais patiner, là-bas, avec mes amis. D'accord. Attends-moi, je mets mes patins. Dialogue numéro 4. N'oublie pas de mettre tes bottes. Il y a de l'eau partout dans la rue. Il fait beau, papa. La neige fond. Dialogue numéro 5. Youpi! La neige tombe. Youpi! Viens, on va faire un bonhomme de neige. Dialogue numéro 6. Regarde les écureuils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent des glands. Leçon 5, activité 2. En hiver. On s'habille chaudement. Prenons notre temps. Je mets ma tuc-tuc-tuc, mon foulard, lard, lard, mes mitaines, ten, ten. Zip, zip, zip. 1, 2, 3. La, la, la. 4, 5, 6. Et voilà, ça m'a pris 5 minutes et j'ai fini. Youpi! Leçon 8, activité 1. La surprise d'Élodie. C'est un matin de décembre. Élodie est encore tout endormie. Elle monte en voiture avec son père. Mais où vont-ils? Son père circule dans la rue Laurier, tourne à gauche sur la rue Cartier, puis à droite sur la rue Champlain. Le train est arrivé. Mais c'est grand-maman! S'écrie Élodie. Elle court vers elle. Quelle surprise! Élodie est ravie. Elle va passer de si bonnes fêtes avec son père et sa grand-mère. Leçon 9, activité 2. L'amitié. Bonjour, ami. Comment vas-tu? Bonjour, ami. D'où viens-tu? Du nord, du sud. De l'est, de l'ouest. Bonjour, ami. Bienvenue. Viens chanter et danser. Viens skier et patiner. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amitié. Leçon 11, activité 1. Fête internationale. Joyeux Noël à vous tous, mes amis. Du Canada, je vous dis Merry Christmas, Merry Christmas, joyeux Noël. Ma commis bali, bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma commis bella, bella bimba, bella bimba, bali ben. Ma comi bali bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma comi bali bella bimba, bali ben. Joyeux Noël à vous tous, mes amis. Du Canada, je vous dis Merry Christmas, Merry Christmas. Joyeux Noël. Le pied, le pied, le pied. La main, la main, la main. Et tourne, tourne, tourne avec moi, viens danser. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la. Du Canada, je vous dis Merry Christmas, Merry Christmas, joyeux Noël. Moussiden, moussiden, zum Städtle hinaus, Städtle hinaus, und du, mein Schatz, bleib hier. Veni, komm, veni, komm, veni, wiederum, komm, wiederum, komm, kehre ein, mein Schatz, bei dir. Joyeux Noël à vous tous. mes amis du Canada, je vous dis Merry Christmas, Merry Christmas, joyeux Noël. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Joyeux Noël à vous tous, mes amis du Canada, je vous dis Merry Christmas, Merry Christmas, joyeux Noël. Thank you. Enrichissement écoute. Activité 1. Les deux arbres de Noël de Berlingot. Cette année, je fais deux arbres de Noël. Un dans ma maison, pour Clafoutis et mes autres amis, et un autre dehors. Vous savez pour qui? Pour les oiseaux! C'est moi, Clafoutis, qui en ai eu l'idée. Berlingot a un beau sapin devant sa maison. On va le décorer de toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'on va donner aux oiseaux? Je ne peux pas leur donner mes cadeaux. Les oiseaux n'aimeraient pas ça. Ah! Je vais leur donner quelque chose à manger. Oui, Berlingot! Moi, je vais faire des guirlandes de nourriture avec des petits morceaux de pain et des graines. Moi, je vais couper des fruits et des légumes et les suspendre à l'arbre. Le sapin va être très beau. Les oiseaux vont avoir un beau Noël. Enrichissement culture. Activité 1. Chanson d'ici. Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur ou quel prophète mérite ces cœurs triomphants? Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Tressaille de bonheur, que tes hymnes de victoire chantent, célèbre ton sauveur. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir six fois, c'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. N'oublie pas mon petit soulier. L'enfant au tambour. Sur la route, parapapampam, petit tambour s'en va, parapapampam. Il sent son cœur qui bat, parapapampam. Au rythme de ses pas, parapapampam, rapapampam, rapapampam. Ô petit enfant, parapapampam, où vas-tu? Quand mon père, parapapampam, a suivi le tambour, parapapampam. Le tambour des soldats, parapapampam. Je l'ai suivi au ciel, parapapampam, rapapampam, rapapampam. Là, j'ai tant frappé, parapapampam. Son tambour. Tous les anges, parapapampam, ont pris leur beau tambour, parapapampam, et on dit à l'enfant, parapapampam, ton père est de retour, parapapampam, rapapampam, rapapampam. Et...